Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet-du-Pré 1860. Question 9. De l'immutabilité de Dieu. Que Dieu seul est immuable. 1. Dieu est-il immuable? Le Seigneur a dit au prophète Malachie, « Je suis Dieu et je ne change pas. » Malachie 3, 6. Que Dieu soit immuable, c'est une conséquence qui dérive nécessairement des vérités précédentes. Premièrement, n'avons-nous pas démontré qu'il y a un premier être appelé Dieu, acte pur, sans composition, ne renfermant rien qui soit simplement en puissance? Or, tout ce qui change est en puissance sous ce rapport. Donc Dieu ne change pas. Secondement, tout être qui change acquiert quelque chose, il devient ce qu'il n'était pas, il en est de même de celui qui est mu, il est après ce qu'il n'était pas avant. Or, que peut acquérir l'être infini qui renferme en lui-même toute la plénitude de l'être et de la perfection? On voit donc que le mouvement, la mutabilité, le changement sont incompatibles avec la nature divine. Note. L'homme ignorant croit connaître le changement avant l'immutabilité, et il ne veut pas songer qu'être immuable c'est être, et que changer c'est n'être pas. Or l'être est, et il est connu avant la privation qui est non-être. Avant donc qu'il y ait des choses qui ne sont pas toujours les mêmes, il y en a une qui est toujours la même et qui ne souffre pas le déclin. Bossuet, Élévation à Dieu, 2. La perfection et l'éternité de Dieu. On objecte ce que dit saint Jacques, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Épître 4, 8. Mais chacun comprend aisément que ces expressions et mille autres de la Sainte Écriture sont des expressions figurées. Ne dit-on pas tous les jours que le soleil entre dans un appartement, ou qu'il en sort, pour exprimer que ses rayons commencent ou cessent d'y briller? Pareillement on dit que Dieu s'approche ou s'éloigne de nous, suivant que nous participons à la bénigne influence de sa grâce ou que nous en sommes privés. Fin de la note. 2. Dieu seul est-il immuable? Parcourez la création, vous verrez que tous les êtres subissent la loi du changement. Saint Augustin a dit, Confession livre, 7, les choses que Dieu a faites, par là même qu'elles sortent du néant, sont assujetties au changement. C'est qu'en effet, comme il dépendait de Dieu de les appeler à l'existence, il dépend également de sa volonté de leur conserver l'être, de sorte qu'elles retomberaient dans le néant s'il leur retirait son action. Les créatures peuvent donc changer par la puissance qui est en Dieu. Ne dites pas, conséquemment, qu'il y en a d'immuables, ce serait dire que Dieu n'est pas l'arbitre suprême de la vie et de la mort, de l'être et du néant. Par sa nature même, toute créature est muable sous quelque rapport. Les substances immatérielles elles-mêmes sont muables par rapport à leur fin, car elles peuvent tomber, par la libre élection, du bien dans le mal, et puis elles sont muables à l'égard des lieux, leur essence n'étant pas partout. Or, rien de tout cela ne se peut dire du premier être, qui remplit tout par son infinité. Donc l'immutabilité est un attribut qui appartient en propre à Dieu seul. Note. Toujours et partout digne de nos adorations et de notre amour, Dieu seul demeure. Tandis que tout passe sous nos yeux et que les œuvres les plus fermes de la main des hommes rendent tôt ou tard par leur chute un hommage éclatant à son immutabilité. Frayssinous. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.